12h17, je reçois le SMS suivant. Papa, maman, pourquoi c'est le gros méchant que les Américains ont élu? Va-t-on construire des murs partout maintenant? Derrière la naïveté de ce SMS, je suis assez démunie et je lui réponds « Je crois que les hommes en colère se trompent d'ennemis, mais sache que les hommes et les femmes de demain sauront détruire les murs, sois-en sûr. » Ciao, merci. Bon, merde, Trump président. Ah là là là là là, un bon pied de nez à l'établissement et aux médias, aux instituts de sondage. Ah là, c'est dingue. Quand je vois la presse française, les médias, ils étaient tous pour Hillary Clinton. Même le canard enchaîné, tu te rends compte, le canard enchaîné a misé sur Hillary Clinton. Oh là là là là là là là, là, là franchement. Tout le monde était aveugle. Je suis sûr que même toi, Mermé, tu étais aveugle. Bon, allez. Salut à tout le monde. Oui, bonsoir. Bruno, je vous appelle au sujet de Trump. Là. Je voudrais vous dire que bah voilà, je fais partie des petits fendants. Voilà, je suis chauffeur routier et j'en ai ras-le-bol. Pourtant, je suis foncièrement de gauche, mais je crains que Le Pen il va passer parce qu'on en a marre. Personne réagit. L'Europe va sans dessus dessous. Moi, je suis chauffeur routier. Je le répète, on est concurrencé avec des chauffeurs roumains. J'ai la haine contre ces gens-là. Pourtant, je sais très bien que ça vient pas d'eux. Ça vient de mon patron qui en embauche. Mais c'est complètement aberrant. Voilà. C'est un cri de rage, un cri de désespoir. Ma foi. On verra ce qui se passera. C'est toujours les plus faibles qui prendront, comme d'habitude. Mais bon. Je comprends les gens qui ont voté Trump. Malheureusement. Voilà. Allez, bon courage à vous. Je m'appelle Franck. Je m'appelle de Los Angeles. Ça fait maintenant 11 ans que je vis aux États-Unis et là on a touché le fond, enfin on a même dépassé le fond, on est dans un abysse politique complet quoi. Et là je suis vraiment inquiet sur les gens qui ont voté pour lui quoi. Parce que maintenant n'importe quel beauf et n'importe quel raciste va se sentir en confiance pour exprimer sa folie quoi. On est vraiment allé très très loin. Donc, il faut garder espoir et puis rester solide et continuer à agir dans le bon sens. Voilà, je vous embrasse. Et puis, je vous écoute depuis très longtemps, donc c'est toujours intéressant et une bonne bouffée culturelle de vous écouter. Ok, bon, bis à tous et puis bon courage à tous. Bonjour, je suis Rose du Berry. Je suis une Anglaise qui habite en France depuis longtemps. Mon question, c'est pourquoi les Républicains ont choisi Trump pour le représenter et continuer de suivre pendant toute la campagne. Il montait et exagérait tous les jours, un peu comme les Anglais qui montaient pour le Brexit et qui a contredit leurs paroles dans les deux cas. Alors le résultat, on sait et on est tous très déçus. Ok, merci beaucoup. Pour là-bas, si je suis, je suis content que ça continue. Bye bye. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'au vu des résultats, je pense qu'il n'y a pas que les pauvres qui ont voté Trump. Je pense aussi que la petite bourgeoisie éduquée, dont on parle tant aussi ici en France, s'est également engouffrée dans la tentation populiste, entre guillemets. Je pense que elle a sûrement été effrayée par la perspective économique que prépare l'élite de l'industrie numérique et de la Silicon Valley, et dont Bill Gates ou Larry Page sont les illustres représentants. Ben, sur ce, bonne soirée à tous. Et puis, de toute façon, on essaye de proposer autre chose, j'imagine. Salut à tous. Et Donc ce que vous venez d'entendre là, ce sont les paroles sur un répondeur qui était à la base une émission de radio et qui maintenant est une émission, on va dire ça comme ça, sur le net. Hein. Vous pouvez aller trouver là-bas si j'y suis sur le net. Et en tout cas, ils disent qu'ils sont plus près des jetables que des notables. Ça donne tout de suite le ton. On continue ce deuxième micro ouvert, cette deuxième partie sur ce nom au local nazi à Ixelles. Donc la première partie a eu lieu et en introduction, j'ai fait un petit coup de téléphone improvisé avec monsieur Hervé Van Lathem, qui est président du mouvement Nation et qui se trouve dans ce local à Ixelles. Et donc il y a tout un groupe de gens qui ne veulent pas que ces gens soient là, et ils ont bien raison. Voilà, moi je les soutiens. Et donc j'avais envie de dire deux, trois petites choses par rapport au micro ouvert précédent, donc la première partie, parce que je me suis ramassé quelques mails vraiment pas du tout sympathiques, et puis ça fait déjà des tonnes de micro ouverts qui se réalisent. Jamais c'est encore arrivé de se faire insulter ou d'insulter les personnes qui parlent dans le micro ouvert. Enfin, c'est terrible. Déjà, ça donne déjà un écho comme ça, pas très sympathique pour vraiment descendre l'autre avec un grand A. Enfin, pas chouette, vraiment pas chouette. Et donc ça, c'est le mouvement Nation qui m'a laissé quelques messages. Et alors, ce que je voulais aussi dire. Peut-être ils n'ont pas compris ce coup de téléphone donné à ce président Hervé Van Lathem du mouvement Nation, il s'est fait comme ça, ni une ni deux. C'est-à-dire que j'ai lancé l'invitation via les réseaux sociaux et que ce monsieur a répondu dans la minute près et qu'on s'est dit « Allez hop, moi je suis partante ». Et que oui, j'ai mes piles qui se sont coupées. Et que je n'ai pas fait de montage exprès, enfin c'est intentionnel. C'est-à-dire que le micro ouvert essaye de faire du brut sans que ce soit brutal. fait du brut dans le sens qu'il n'y a pas un montage léché, hyper sophistiqué. Vous savez, quand on se retrouve devant les caméras tout beau, tout lisse, à la lumière, et puis on fait semblant devant la caméra, puis derrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, on essaye de ne pas être hypocrite dans le micro ouvert. Bon, là je fais ma maline évidemment, hein, mais c'est un peu l'idée. Donc. C'est brut, micro ouvert, c'est du brut, mais pas brutal. Voilà, j'avais envie de faire cette petite éclaircissement à Mouvement Nation qui n'a pas bien compris l'intention. Voilà. Et donc, on s'écoute la deuxième partie de ce nom au local nazi à Ixelles avec un groupe de gens qui ont envie de ne pas laisser faire les choses et qui veulent se mobiliser et qui donnent des infos pour mieux comprendre en fait ce qui se passe rue de Meus au numéro 22 dans ce local nazi à Ixelles. Micro ouvert. Il y a d'autres exemples, par exemple, il y avait un groupe dans les années 70 en France qui s'appelait Occident. Et si vous regardez, dans le cabinet de François Fillon, c'est un truc qui a été sorti par Vice News, je pense, ou les In Rock, je ne sais plus, les deux. Ah ben, si vous regardez dans le cabinet Fillon, donc des gens qui vont sûrement être ministrables, eh ben, y a une partie de ces gens-là, leur classe politique, ils ne les ont pas fait à l'UMP ou les entêtres. Là où est-ce qu'ils ont fait leur classe politique, c'est à Occident. Occident, c'était un groupe néo-fasciste, etc. Voilà, qui, dans les années 70, s'affrontait avec les gauchistes, etc. Mais c'était un groupe clairement néo-fasciste. Et maintenant, il faut voir que ces gens-là, en fait, ils sont montés. Maintenant, ils sont les conseillers du prince, etc. Et je pense que c'est là où est-ce qu'on peut voir qu'il peut aussi... Et le bloc identitaire, par exemple, c'est pareil avec le Front National, ou même dans certains endroits, certains cabinets des Républicains, ben, ils vont chercher ce personnel politique chez le bloc identitaire pour en faire, en fait, les hommes de l'ombre. Mais c'est eux qui impriment les lignes politiques par derrière. Par exemple, vous voyez Robert Ménard, vous voyez un petit peu, quoi. C'est le mec, c'est l'ancien de Reporters sans frontières. Il dirige une mairie, je ne sais plus c'est laquelle en France. Que quoi ? Béziers. Béziers, voilà. Bah, par exemple, à Béziers, le responsable du... plusieurs de ses responsables autour de lui, bah, c'est des gens qui, du bloc identitaire, en fait, directement. Et par exemple, le journal municipal qu'il faut lire, c'est un genre, ça ressemble à la maquette de détective. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le magazine des détectives, c'est un petit peu le truc des chiens écrasés, genre qui vont chercher les trucs toujours les plus atroces, vous lisez ça, vous n'avez plus aucune confiance dans l'espèce humaine. Et ben, la maquette du journal de Béziers, maintenant c'est ça. Et maintenant c'est la voix, en gros, vraiment du maire, mais dedans il affiche certains de ses opposants dedans en disant, enfin tu vois, vous voyez, il les dénonce, etc. Et c'est vraiment des logiques... totalitaires qui se mettent en place. C'est pas Béziers n'est pas une mairie fasciste. C'est une mairie autoritaire qui a des inspirations très claires fascistes dans certaines de ses méthodes. Mais vous voyez, c'est là où est-ce qu'il y a une différence entre fascisme. Pour moi, ça peut être une avant-garde qui aide à faire que la société devienne plus autoritaire, plus raciste, plus sécuritaire, etc. Ou alors, ça peut être une gestion alternative où est-ce que là, ils peuvent réellement proposer leur projet de société. Et en Belgique, je pense que clairement, par exemple, des gens comme Alain Destex, par exemple, qui n'est pas spécialement un fasciste, il n'est pas dans un parti fasciste, il est au maire, parti respectable, entre guillemets, mais néanmoins, quand vous voyez toutes les thèses qu'il défend, etc., et les gens qu'il invite, par exemple, si je me rappelle, il y a quelques années, Alain Destex, il a invité Robert Ménard, par exemple, en Belgique, leur cercle de Lorraine, là, l'espèce de cercle des patrons, etc., où il invite Éric Zemmour, par exemple. Voilà. Mais par exemple, sur l'exemple, après le plus parlant, je pense que c'est prendre la Flandre. Et la Flandre, c'est des gens comme Théo Franken, Yann Yambon, qui sont des gens qui ont fait leur classe, à l'époque, à l'extrême droite. Ce ne sont pas des gens qui ont fait leur culture politique dans les partis institutionnels. Et par exemple, on voit très clairement des choses très intéressantes. Par exemple, sur cette espèce d'esprit qui occupait de naître, par exemple, et là, je vais conclure là-dessus, comme ça on va pouvoir échanger. Je pense que l'histoire dans les... je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'histoire des visas des Syriens. Voilà. Vous voyez, mais c'est quand même parlant quand un homme politique... Donc, en gros, il y a des familles syriennes, si je dis pas de conneries, d'Alep, qui ont demandé d'avoir un visa de réfugié en Belgique. Ça a été accepté par trois fois, je crois, il y a eu trois recours à la chambre... le conseil des recours... je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, c'est en gros, t'as le truc, t'as l'office des étrangers, puis t'as un conseil de recours qui est pourtant pour que les militants qui militent un petit peu le sans-papiers savent que ce sont des ordures finies et la plupart du temps ils envoient les gens crever à la mort. Mais là, ils ont dit par trois fois, ah oui, oui d'accord, non, il faut donner le visa. Puis après, cour d'appel, jugement accepté. Deuxième cour, il y a un deuxième jugement en appel, encore une fois accepté. Et il y a même eu l'ensemble des juges. Donc dans laquelle, par exemple, un avocat m'a dit que siègent dans ces juges des gens qui sont par certains côtés d'extrême droite, eh ben, il y a eu à l'unanimité tous ces juges qui se sont mis d'accord pour dire « Non, mais M. Franken, ça ne va pas. Quand il y a une décision une décision de justice, on doit la respecter. » Et non. Et le gouvernement refuse d'appliquer cette décision. Bah, lui, tout seul, un peu, non ? Oui, soutenu, bah, quand même. Ouais. Soutenu, oui, d'accord, mais... Soutenu clairement par le gouvernement. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a clairement cette espèce d'esprit autoritaire. Mais c'est non seulement il refuse, mais en plus, il tourne en dérision. Il a pris une photo, par exemple, sur Facebook assez célèbre, où il s'est photographié globalement de son grenier ou je ne sais pas trop quoi, en faisant croire qu'on était venu saisir ses meubles. Voilà. C'est assez intéressant, je trouve, quand un ministre commence à se foutre de son propre appareil judiciaire. C'est, voilà. Je pense que c'est un état d'esprit voilà, qui est assez intéressant et je pense qu'il devrait ouvrir, qu'il devrait ouvrir peut-être la discussion. Franken, on laisse vivre, quoi, je veux dire. Mais non, mais je veux dire... Apparemment, les gens... voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a une partie, il ne faut pas se leurrer, il y a une partie de la population qui trouve ça bien, ce qu'il fait, parce qu'il y a, une partie des gens qui sont réellement dans cette espèce d'hystérie que je disais, ils ont l'impression que l'État n'a plus de pouvoir, l'État blablabla, et qu'il faut, enfin voilà, ça c'est des hommes forts qui vont réinstaurer un ordre en Belgique, voilà, remettre les musulmans, les immigrés à leur place, voilà, soigner la veuve et l'orphelin, les chiens vont se mettre à nous obéir une fois qu'ils seront au pouvoir, enfin, voilà. Je pense qu'il y a une partie de la population qui commence à être imprégnée de cet esprit autoritaire, en fait, quelque part. Peut-être qu'en arrière, il y a des gens qui soutiennent ce type-là, quoi, mais qui sont, leur voix est muselée, et c'est ces éclaireurs-là, comme Franken, qui viennent révéler la bonne parole. Je sais pas, j'imagine, hein, c'est un truc comme ça, quoi. Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est quand tu dis justement que Franken commence à se foutre de la gueule de son appareil judiciaire, c'est que généralement, justement, le fascisme, il arrive au pouvoir quand t'as un État en déliquescence pour service de répression au mouvement populaire, mais aussi, il a aussi sa volonté de créer un État d'un type tout à fait nouveau, qui est un État ultra répressif, je sais pas si on peut utiliser le concept, mais un État totalitaire et compagnie. Et là, du coup, on arrive à un type qui a quand même, je pense... Enfin, je sais pas où il a fait ses classes, Franken, mais en tout cas, un mec qui est quand même clairement d'extrême droite, qui se fout de la gueule de l'État, entre guillemets, de l'État, de la démocratie bourgeoise, quoi. Et du coup, il y a peut-être justement cette petite contradiction entre l'intérêt économique derrière et l'idéologie qui va avec, quoi. Je sais pas. Je vais embriquer à autre chose parce que j'ai pas su, je t'occupais de réfléchir à un autre truc. Mais par exemple. Un élément qui peut être intéressant pour dire, pour montrer un petit peu la différence, par exemple avec un groupe comme Nation et ce groupe-là, c'est par exemple Franken, Jan Bon, bah, par exemple, il participe chaque année au truc du Sint Martin Fund, ou je ne sais plus quoi exactement, qui est globalement une espèce de fête pour tous les anciens collabos, enfin voilà. Parce que par exemple, il y a un gros truc qui unit toute la classe politique flamande, et ça peut-être il y a des choses à explorer. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais c'est l'amnistie des collaborateurs. Voilà. Ça, c'est vraiment un truc qui crée des liens entre le petit groupuscule néo-nazi flamand, voilà, le Vlaams Belang, et la NVA, partie plus classique, ou même certaines parties du CDNV, etc. Par exemple, en Belgique, on a eu, je sais pas si vous connaissez, dans les 70, il y a eu un groupe qui s'appelait le Front de la Jeunesse, voilà, qui a été assez célèbre. En gros, l'un de leurs principaux faits d'armes connus, mis à part qu'ils avaient des sections dans la gendarmerie et dans l'armée, ce qui est des sections spéciales de militants, etc. Ils sont aussi soupçonnés, par exemple, je sais pas, il y avait un journal assez célèbre qui s'appelait le journal Pour, dans les années 70-80, qui était un journal voilà, anticapitaliste, etc., très dans l'esprit des années 70. Bah, ils ont brûlé ce journal, en fait, tout simplement. Ils ont brûlé les locaux de la rédaction, l'imprimerie, etc. Le journal s'en est vraiment jamais relevé. Par exemple, ce groupe-là, il avait des liens, et toute l'extrême droite avait des liens, par exemple, avec un truc qui s'appelait le CEPIG, donc c'est le... CEPIC, c'était le centre catholique, machin. En gros, c'était une partie de l'ancien... donc l'ancien du CDH, c'était le PSC. Voilà. Voilà, le PSC, c'est l'ancien grand parti catholique. Et par exemple, il y avait... c'était une espèce de centre d'études, etc. Et par exemple, l'extrême droite avait clairement des liens avec... donc, ce qui était le plus gros parti de Belgique, hein, faut s'imaginer. Hein. Et il y a eu l'affaire, par exemple... il y a eu le jugement, je crois, il y a un an ou deux. Il y a eu l'affaire du baron Bonvoisin aussi. Je ne sais pas si vous connaissez le baron Bonvoisin. C'était un baron qui était connu pour ses accointances d'extrême droite et dans laquelle qui était soupçonné qu'en gros, il avait, quelque part en Belgique, un château. Et par exemple, les groupes d'extrême droite allaient s'entraîner au tir, au groupe paramilitaire dans son jardin, quoi, globalement. Bon, il a été innocenté 15 ans plus tard, hein, entre guillemets. Hein, mais voilà. Mais voilà. Ça prouve qu'ici en Belgique aussi, si on peut dresser que des liens comme ça structurels entre. C'est pas parce qu'actuellement l'extrême droite francophone se caractérise par sa nullité, faut bien l'admettre. Mais il n'est pas dit. En Belgique, c'est déjà arrivé, des groupes comme ça qui avaient ces liens structurels qui leur permettent de se développer, etc. C'est juste que quand le PSC était fini, le PSC était fini, mais c'est surtout après la guerre froide, en fait, ces groupes-là, ils étaient surtout utilisés comme quoi, comme armes. Là, clairement, ça veut dire que ce n'était pas vraiment des groupes fascistes, mais plus des groupes au service vraiment des groupes dominants. Ils étaient utilisés pour quoi ? Pour casser du gauchisme, pour casser des communistes, etc. Ils étaient vraiment utilisés comme petites mains pour s'attaquer aux gens qui étaient représentés un danger pour l'ordre. Et par exemple, avoir cramé le journal pour qu'on n'ait jamais trouvé les responsables. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que plusieurs théoriciens, grands journalistes du soir, par exemple, avaient quelques suppositions que, par exemple, le tueur du Brabant, c'était aussi peut-être bien lié à ce groupe-là. Voilà. Mais par rapport à l'APF, maintenant, on sait qu'il y a eu deux mobilisations à Bruxelles ce dernier mois. Peut-être qu'il y en a eu une troisième avant, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui est possible de faire comment est-ce que les stratégies à l'œuvre pour l'instant se développent et c'est pas spécialement une question à toi Bernard, qu'est-ce qui serait intéressant de développer dans l'avenir pour au moins faire le focus sur ce local et sa structure subsidiante, ainsi que qui y travaille, qui y vient, enfin un peu faire de l'observatoire, et puis qu'est-ce qu'il y aurait moyen de faire pour qu'il disparaisse tout simplement. Je sais pas si quelqu'un a une réponse là-dessus. T'es un optimiste. Ben, acheter une calache. Il faut étudier l'affaire un peu plus près, quoi. Je veux dire. On peut ouvrir, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que vous imaginez possible de faire face à une concentration, à cet iceberg. Enfin, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est pas pour rien qu'on a fait cette affiche-là. Soyons créatifs. On en reparlait la dernière fois avec la campagne. C'est que le but de la campagne qu'on a lancée, c'était pas uniquement fermer ce local, c'est aussi essayer de recréer un mouvement antifasciste en Belgique, recréer des forces, recréer une dynamique, comme ici, une information, une réflexion autour de ce qu'est le fascisme et autour aussi de qu'est-ce qui est fasciste actuellement dans la société. Et comme l'a dit très bien Matteo, souligner le fait que ces groupes, une fois implantés en Belgique ou ailleurs, influent sur les politiques et font que les politiques sont beaucoup plus à droite qu'elles ne le sont déjà. Ouais, j'avais quand même envie de demander, il y a des personnes ici qui se mobilisent dans une campagne pour faire fermer le local, du coup d'un côté savoir c'est quoi qui se fait pour autour de cette campagne pour fermer le local. Et après, moi, je pense que c'est aussi... Il y a des tendances fascistes... c'est un super bon exemple, quoi, je pense, l'exemple de Franken. Parce que du coup, il ose quelque chose, que tout le monde se dit « Ah, mais enfin, quelqu'un qui fait quelque chose par rapport à l'immigration. » Et du coup, c'est démonter ces discours-là, ces différentes tendances fascisantes, par rapport à l'étranger, le fait qu'il y ait des prisons pour sans-papiers illégaux, on dit en Belgique. Enfin, je sais pas, mais ça me choque super fort. Et comment... Du coup, il y a un truc plus global à réfléchir aussi, quoi. Et après, je suis aussi curieux de savoir qu'est-ce qui se fait par rapport à ce local, la campagne pour le fermer. Peut-être quelqu'un d'autre que toi peut le dire. Il y a eu différents types d'initiatives contre le local. Je pense que l'une des premières initiatives qui a été lancée, c'est déjà d'informer les gens. Parce que leur but, c'est de s'installer petit à petit, de se normaliser et tout. Nous, notre but à nous, c'était déjà de faire l'inverse, c'était d'informer les gens du quartier, d'informer même les... C'est assez marrant, mais c'est pas tous des fascistes, visiblement, mais les commerçants dans le quartier et tout, dire, écoutez, vous savez qu'il y a un local de néo-nazis qui a ouvert dans le truc. Faut savoir aussi que c'est un local qui est situé à côté de Matonguet, et que donc c'est quand même des mecs qui avaient... des gens qui avaient plutôt intérêt à être au courant qu'il y avait des individus dangereux à côté de chez eux. Donc ça, c'est déjà toute une partie de la stratégie. Après, concrètement, pour ce qui est de faire fermer effectivement le local, il est clair que nous, ce qu'on va refuser déjà, c'est de faire appel au pouvoir communal et en leur demandant d'interdire ce local. Parce que pour nous, c'est aux masses, c'est à nous, c'est au mouvement populaire de le faire fermer par nous-mêmes. Par contre, on peut tout à fait pointer, on a déjà fait un rassemblement devant le conseil communal pour pointer leur soi-disant côté démocratique, leurs hommages à des gens comme Roger Lallemand, c'est ça hein, Roger Lallemand, tout en tolérant un local nazi sur le territoire de la commune. Donc déjà, ça c'est déjà aussi un truc, c'est montrer les contradictions au niveau du pouvoir. Le troisième truc, ça je sais pas si s'il y aura peut-être moyen de le couper parce que je sais pas si c'est un truc qu'on va le dire ou pas, mais il y a l'idée de il y a une idée de faire pression sur sur le sur l'agence qui loue ce truc. Donc il y a des actions en préparation, je pense à ce niveau-là, parce que c'est quand même les gens qui ont permis à ces nazis de s'installer au square de Meus, quoi. Donc directement, ça c'est pour le faire fermer concrètement, très concrètement. Du coup, on parle du square de Meus. Et on parle juste d'un local. Est-ce que c'est le premier local qui est à cet endroit-là? Parce que moi, j'ai déjà entendu des rumeurs un peu de mouvements nazis dans ce coin-là. Après, c'était peut-être simplement par rapport aux lieux qui concernent la communauté européenne, qui sont aussi situés au même endroit. Enfin, en tout cas, certains endroits. Je ne suis pas hyper au courant, mais voilà, je me demandais si c'était... le seul ou... Quelqu'un peut lui répondre? Disons qu'il y a plusieurs... En tout cas, ça c'est le premier vraiment local d'un parti européen néo-nazi. Je suppose que le Front National doit avoir ses bureaux quelque part, mais voilà, je ne sais pas exactement où en vrai. Ouais, après, dans le même genre, t'as, à Madou, il y a les bureaux du Vlaams Belang, par exemple. Voilà. Y a, c'est moins fort parce que la vie politique peut changer, mais dans les 90, il y avait quand même un ou deux bistrots, par exemple en Belgique. On savait où est-ce que, à Bruxelles particulièrement, bah, qu'on savait que c'était des bistrots, où est-ce qu'au mur on pouvait voir des photos de collabos, des anciens de la Légion Wallonie, flamande ou wallonne, je ne sais plus exactement. Non, c'est pas Adolphe à ce point-là, mais voilà. Il y avait, mais bon, ces bars, le problème c'est une communauté vieillissante, les bars ont été fermés, mais voilà. Et peut-être pour revenir, donc sur, parce que j'ai oublié de présenter en fait la campagne au début. Donc nous, on est plusieurs à avoir lancé une campagne qui s'appelle Bruxelles zone antifasciste. Et comme Romain l'a bien dit, pourquoi on appelle ça Bruxelles zone antifasciste? Parce que, en gros, l'idée, c'est que ce local, c'est un problème. Disons que c'est peut-être le problème le plus évident. Parce que quand on dit aux gens, ouais, vous savez, il y a des nostalgiques de Adolf Hitler qui habitent là, des gens qui veulent ratonner les immigrés, etc. Bon, à moins, si vous n'avez pas de chance, c'est un mec qui trouve ça trop cool. Mais la plupart des gens, ça reste quand même ah putain, c'est quand même grave ça, ces gens-là, comment on peut leur permettre, etc. Après, on sait très bien que c'est le problème le plus évident, mais pour nous, c'est un petit peu c'est le fil qu'on accroche, mais on va aller plus loin. Après, nous, on sait très bien que des gens, le Vlaams Belang, la NVA, certains gens, enfin, le maire en général, sont un problème en fait. Mais en fait, on commence par le problème le plus évident, et donc le première nécessité, c'est de faire former le local. Mais c'est pour ça qu'on ne veut pas non plus le fermer n'importe comment. On veut aussi que ce soit les gens qui se rendent compte, qui s'impliquent, qui ont envie de le faire fermer, qui font pression sur ce... qui rendent la vie tellement impossible de ce local qu'en fait, le propriétaire, on est marre, le ferme. Ou les mecs, si, chaque fois qu'ils font une permanence politique, il y a 15 personnes devant qui ne sont pas contentes, etc. Du coup, ils doivent amener des gens pour protéger le local, etc. C'est une perte d'énergie, etc. Par exemple, sur le lait, ils ont organisé un congrès. Par exemple, le congrès, bah, grâce à la pression de la campagne, même eux ont dû avouer qu'ils ont perdu plusieurs salles, qu'ils n'ont pas pu faire leur congrès à leur local parce qu'ils avaient peur, etc. Ils ont fait un congrès européen, ils n'ont pas pu l'annoncer publiquement, quoi. Ils ont dû se cacher dans un hôtel à Bruxelles, etc. Et ça, c'est leur faire perdre de l'énergie, etc. Et je pense que voilà, c'est comme ça qu'on va les avoir. C'est à l'usure, etc. À la fin, ils vont perdre tellement d'énergie, ils vont se dire « Putain, mais ce local, en fait, c'est tellement une perte d'énergie, on n'arrive pas à se normaliser, ils lâchent pas l'affaire et tout. » Voilà. Pas forcément. Surtout si vous voyez, si les propriétaires, bah, quand ils voient le bail, ils font « Ah, c'est qui veut louer ?»« Ah merde, c'est l'APF. » Ils tapent sur Internet, ils tapent APF, ils voient « Alliance néo-nazie, local, manifestation, blablabla, vandalisme, blablabla. » Ils font « Oh putain, on va pas aller mettre notre local à cette espèce de demi-fou, là. Ils vont nous attirer des acharnés qui vont vouloir les chasser, quoi. » Je trouve que c'est une occasion, quand même, de manifester l'opinion contre ces mouvements fascistes. Parce que, bon, ici, il se manifeste avec ce local, c'est ça qui fait qu'on est rassemblés aujourd'hui. Mais je veux dire, la manière de fermer ce local, ça peut être de différentes manières. Ça peut être La police qui débarque, on ferme, ok, fini. Ah bon, pourquoi, on ne sait pas. Ou alors, les gens qui s'expriment, dire, on veut fermer parce que ceci, parce que cela, et que, qu'il y a un ralliement des gens, et qu'il y a une prise de conscience des idées fascisantes existantes, de manière sous-jacente, évidemment. C'est jamais, comme on l'a expliqué ce soir, l'opinion prédominante, ce n'est pas le fascisme actuellement, mais ces idées sont là, quand même, cachées, quoi, dans une opinion qui court, on ne sait pas où, quoi, mais je veux dire, elles sont là, c'est caché dans les... comment on appelle ce sentiment, là, la... Quand t'es quand t'es t'es frustré, t'as je cherche un mot, excusez-moi, je veux dire ça rallie quand même pas mal de gens, mais ils osent pas avouer qu'ils seraient de ce côté-là, mais si jamais des fascisants s'expriment, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire non, je suis pas d'accord, qui sont pas sûrs d'eux-mêmes au niveau de leurs opinions. Voilà, en général, en gros, c'est ça, c'est que au niveau politique, il y a plein de gens qui sont pas sûrs d'eux-mêmes, quoi. Et donc c'est la porte ouverte à toutes sortes, aussi bien de la droite toute simple économique que de l'extrême droite, que des partis qui exacerbent certaines difficultés à régler, on va dire, en gros, quoi. Mais je veux dire, il y a des gens assez intelligents en extrême droite pour utiliser les sentiments qui se cachent dans la population, quoi, je veux dire. Ça, c'est une question. C'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est très important de dire qu'il y a des gens intelligents dans cette bande-là. Parce que si on nie ça, on nie aussi le fait de comprendre comment ils vont s'y prendre. Voilà, bon, j'arrête. Merci. Roger ? Ouais, ben, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce que en vrai, si l'idée, c'est que ces gens, ils vont prétendre être anti-système et ils vont prétendre avoir un truc qui s'appelle... le peuple avec eux, et le truc, c'est que s'il y a personne qui se lève, en fait, ça leur donne raison. Tandis que là, s'ils prétendent être anti-système, avoir les gens avec eux et compagnie, mais qu'en fait, leur congrès européen, bah, ils sont obligés de se planquer pour l'organiser, ça montre bien que, où leurs idées doivent appartenir, tu vois, aux chiottes de l'histoire. Non, mais je voulais rajouter quelque chose par rapport à l'analyse du fascisme, c'est qu'il y a aussi... cette idée dans cette soi-disant critique du capitalisme, le fascisme ne remet pas du tout en question, ne parle pas de lutte des classes, au contraire, il revendique une alliance entre le capital et le travail. Et alors, on voit aujourd'hui, qui parle encore, qui critique encore le salariat aujourd'hui, quel membre sur la scène politique critique de fond en comble la valeur travail, c'est-à-dire qu'on est obligé de pour vivre de travailler, de trimer et de travailler pour un patron au lieu de vivre de pouvoir travailler pour soi ou de réorganiser même la société et le travail de manière tout à fait autre qui serait pas un esclavage, mais justement il y a des études qui ont été faites qui montrent que la société pourrait très bien se porter avec des personnes qui travailleraient peut-être 3 heures par jour. Et non, le fascisme, au contraire, le discours fasciste dans cette histoire d'alliance entre capital et travail, il essaye de tempérer la tension de la lutte des classes en essayant de qu'il y ait une sorte de dialogue entre les travailleurs et le patron. Et on voit ça dans la concertation sociale aujourd'hui, même si il faut préciser que c'est pas la même chose, parce que les fascistes, eux, suppriment totalement les syndicats et placent à la place des syndicats fascistes. Ici, il y a encore des syndicats, on va dire, libres, même si maintenant, on ne peut pas créer un syndicat aussi facilement que ça. Il faut avoir... je sais pas combien d'adhérents, enfin il y a toute une législation là-dessus, mais enfin donc voilà, je voulais juste rajouter ça par rapport à l'analyse. Je voulais juste essayer de élargir un petit peu s'il y en a qui ont des questions de définition, ou je sais pas, enfin on peut. Ouais, j'ai l'impression que lutter contre le fascisme, c'est aussi c'est autant démonter c'est quoi le programme fasciste. C'est ça que j'ai essayé de faire au début, même si je me suis un peu embrouillé, mais c'est aussi proposer autre chose, de quoi on rêve. Qu'est-ce qu'on veut comme projet de société, entre guillemets, je sais pas, mais c'est quoi nos imaginaires. Enfin voilà, c'est aussi une manière, j'ai l'impression, parce qu'il y a clairement une ambiance, j'ai l'impression de confusion, quoi. Enfin, il y a pas beaucoup d'espoir et tout ça. J'ai l'impression que ça aussi c'est fertile. Ouais, pour je sais pas. Ah oui, c'est. Je tiens. Ouais, moi c'est Jean-Pierre Marie-Joseph François. Mais j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre d'interventions ici qui viennent de personnes qui se demandent qu'est-ce qu'on peut faire ici, notamment par rapport à cette histoire de local. Alors si c'est des gens de Louvain-la-Neuve, ils ne doivent pas s'en faire, parce que si le local est à Bruxelles, il paraît, c'est une rumeur, peut-être que vous pourrez confirmer, il paraît que ces gens-là, ils ont un prix à court avec Clépierre, que s'ils sont virés de là-bas, de la place Méus, là, eh ben, ils pourront aller mettre leur bureau dans l'extension de l'Esplanade. Donc il y aura du boulot ici, quoi. Non mais, blague à part, il y en a quand même qui se demandent quoi faire, qu'est-ce que nous on peut faire. Enfin, pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'on peut se poser la question, tiens, est-ce qu'ils n'investissent pas les universités, donc est-ce qu'à Louvain-la-Neuve, il n'y a pas du travail à faire, mais... Attends, j'arrive. Bon, enfin, je sais qu'à l'époque, dans les petits villages, il y avait des petits groupes de skins d'extrême droite, je ne sais plus exactement... quel village, mais village alentour. Mais enfin, juste j'ai vu, il y a quelques jours, je suis passé au Beaulois, et juste à l'entrée du Beaulois, sur un des arrêts de bus, il y avait la croix celtique, le signe fasciste tagué sur un arrêt de bus. Donc, Quand tu dis le Beaulois, c'est ici dans les environs? Oui, le Beaulois, c'est la cité entre Louvain-la-Neuve et Otigny. Il y a une autre personne qui veut intervenir, je pense, avant moi. Donc, Moi, c'était plus une question par rapport à ce truc de déconstruire le discours fasciste. Moi, quand j'ai lu le truc de l'AFP, un des articles de leur charte, je sais pas quoi, qui m'a, on va dire, intriguée, c'est l'article sur... Et qui est un discours que je crois que le FN a aussi sur le respect des cultures et sur le fait que chacun doit rester dans sa culture et qu'il faut respecter les cultures des autres. Et tout un discours... Alors on va dire sur la colonisation, sur le néocolonialisme, un peu ce truc de... Ils sont pour l'économie nationale, contre les multinationales. Mais du coup, d'après moi, c'est un discours hypocrite, je pense. Parce que je pense qu'ils ont tous eu des liens avec genre l'Algérie française, par exemple, pour le FN ou des trucs comme ça. Mais du coup, c'est quoi? Comment est-ce qu'ils... Enfin, ma question, c'est quel est leur discours et comment ils arrivent à s'arranger avec ça, tout en étant hypocrite, mais tout en disant un truc de... Non, on est pour le respect des cultures et chacun dans son pays, mais après, on peut être solidaire entre nous et donc avec les... mouvement de décolonisation, de libération nationale, comment ils arrivent à mettre leur discours, et est-ce qu'ils n'arrivent pas quand même à trouver, j'ai l'impression parfois, des solidarités avec des gens qui sont dans un truc de décolonisation, et qui est horrible, mais qui arrive, quoi. Et du coup, comment ils font? C'est quoi leur discours par rapport à ça, quoi? C'est quoi qu'ils arrivent à dire là-dessus? Le discours fasciste, ça a toujours été souvent comme ça, c'est ils prônent des choses, ouais, on est anti-royaliste, on est anti-machin, respect de culture, etc. Et après, dans les actions, tu le vois directement. Par exemple, samedi, ils ont fait, en même temps que leur congrès européen, Nation a fait un hommage à Léopold II, quoi. Qui est quand même le grand champion de la colonisation barbare, etc. Et donc, en fait, leur optique sur la colonisation, c'est on veut défendre notre culture, notre nationalité, notre patrimoine, notre blablabla. Mais comme on la considère tellement meilleure que les autres, on a un devoir messianique d'aller annoncer la bonne parole partout, quoi. Donc, ils jouent un peu entre les deux, quoi. Mais ça reste toujours une optique que notre culture est supérieure. Si elle s'impose ailleurs, ben, ça prouve qu'on est supérieur et qu'on est crédible, quoi. Et donc, ça, on prône, quoi, ce genre de colonisation-là. Mais on n'est pas pour le mélange des cultures, quoi. C'est une blague. Ouais, sur le truc, parce qu'on l'a lu ensemble, il y avait. Il y a clairement ce truc d'une Europe des nations, quoi. Chacun est bien chez soi. Et du coup, faut. Enfin, vraiment divisé pour mieux régner. Je sais pas, que chaque nationalité doit rester chez elle. Enfin, ce truc-là, il est hyper défendu, quoi, non? Comme il le disait. Moi, j'avais capté ça. C'est plus dans un truc que... truc de respect des cultures, ça peut aussi être des trucs qui peuvent être mis en avant, par exemple, par des gens qui ont une culture qui a été discriminée, qui a été éliminée. Et du coup, ils jouent, sur, j'ai l'impression, sur un double discours qui leur permet aussi d'avoir des solidarités de personnes pour qu'ils n'auraient pas à avoir... Enfin, qui a priori, on se dit, ça ne va pas être ça qui va les... Qui va, ils vont pas attirer ces personnes-là. Et ce discours, j'ai l'impression, il est aussi dangereux, quoi, ce truc... nous, on ne veut pas discriminer d'autres cultures, on veut juste que tout reste séparé. Et, enfin, ouais. Ça peut amener vers autre chose. Pourrais-je souligner que le square de Méus est à peu près à 300 mètres de la statue du roi Léopold II. Donc, c'est peut-être pas pour rien qu'ils se sont installés par là, quoi. Et tout près des communautés européennes, bien sûr. Mais je pense qu'il y a plusieurs questions qui sont posées. C'est le premier truc, c'est quoi la solution sur le long terme, sur le fascisme? La deuxième question, c'était comment on ferme le local? Et la troisième, sur cette histoire de culture. Et je pense qu'en fait, il faut penser les trois réponses, en tout cas, en lien. Parce que... Qu'est-ce qu'on revendique à la place du fascisme ou à la place du projet de société? Toi, tu vas parler de concorde de classe ou de compromis de classe entre différents trucs, mais il faut savoir que la concertation sociale, comme le fascisme, c'est toujours des trucs qui sont économiquement pas viables, tu vois. Et ça sera toujours les compromis qui seront trouvés, entre guillemets, ça sera jamais des compromis, ça sera juste les trucs de la bourgeoisie qui va imposer ses mesures. Bah, ici, on voit avec l'austérité, le néolibéralisme, et, enfin bon, je vais pas citer tous les trucs. Donc, il faut revendiquer l'inverse. Et donc là, il faut revendiquer l'égalité et que ça soit à tous les niveaux. Bon, moi, personnellement, je suis anarchiste. Donc, voilà. Enchanté. Voilà, enchanté. Bon, je pense pas être le seul ici. Mais bon, voilà, je pense qu'on a tous... pour ceux qui voient un peu l'idée, c'est l'idée que les moyens de production sont collectifs, tout fonctionne en démocratie directe, en autogestion. Bref, je vais pas faire le truc. Mais donc, c'est vraiment revendiquer un programme qui est vraiment à l'opposé de tout le système actuel. Et donc, pour cette idée de culture, en fait... Moi, je pense qu'il faut mener le combat culturel pour cette égalité à tous les points de vue. Et moi, pour moi, il n'existe pas une culture belge, une culture espagnole, une culture italienne. En tout cas, certainement pas. Les cultures, c'est mouvant. T'as différentes catégories de population qui ont différentes cultures, différentes préférences, différents trucs. Et je pense que si tu prends un groupe comme Nation, c'est peut-être des mecs qui vont défendre la culture belge, mais eux, ils vont entendre culture belge, qui est un truc qui n'existe pas, mais qui vont l'entendre comme la culture blanche, bourgeoise, belge, chrétienne et compagnie. Donc, c'est des mecs qui vont jamais s'opposer aux Zwarte-Piet, par exemple. C'est clairement pas, parce que ça, c'est plutôt... ça serait plutôt vu comme une attaque à leur culture. Donc, un mouvement vers l'égalité, vers l'antiracisme, sera vu comme une attaque à leur vision de ce que doit être la culture belge. Et donc, du coup, pour Louvain-la-Neuf, moi, je pense qu'un truc, c'est vraiment tout ce qui est combat culturel, mener des... Je sais pas, après, chacun... Je suppose que c'est pas parce que vous avez pas un local de néo-nazis ici qu'il y a pas des trucs qui se passent à... Je sais pas, ne serait-ce qu'à Louvain-la-Neuf, il y a peut-être moyen de décoloniser certains aspects des cours qui sont donnés à l'UNIF. J'en sais rien, je veux pas lancer dans les trucs, mais il y a plein d'aspects à mener, quoi. Je veux dire, les gens sont regroupés, même sans local, hein. Ils ont pas besoin d'un local, nécessairement. C'est vrai que c'est un outil assez fort pour s'exprimer, s'exprimer sur la scène politique. Mais je veux dire, il n'y a pas que un local pour se représenter, quoi, au niveau de la scène politique et de la société tout court. Je veux dire, la question intéressante qui a été évoquée, c'est qu'est-ce que on revendique par rapport à l'idéologie fascisante. Qu'est-ce que l'idéologie fascisante exactement? Parce que ça n'a pas encore été... C'est intéressant de le préciser, à mon avis. Qu'est-ce qui se cache derrière l'idéologie fascisante et qu'est-ce qui se cache dans... Qu'est-ce qu'on veut soi-même, quoi? Qu'est-ce qu'on est soi-même par rapport à eux, et même sans se dire par rapport à eux, qu'est-ce qu'on veut, quoi, dans la société? Je voulais juste savoir, est-ce qu'on a déjà des connaissances de revendications que ce local pourrait avoir? Est-ce qu'ils ont autre chose que seulement le besoin d'être, enfin, d'une visibilité et de s'exprimer? Est-ce qu'ils se sont déjà exprimés, ou est-ce que on parle de faire des fêtes ou juste se montrer? Mais est-ce qu'il y a déjà un autre pas? Les différentes activités. Donc il y a déjà eu un concert, un petit truc un petit peu ridicule, mais après, en vrai, là, c'est surtout ça leur permet de faire des formations, de tisser des liens. Ils font très clairement un travail de lobbying, c'est-à-dire simplement, ils vont voir des gens à droite, à gauche, à l'Union européenne, ils font les réunions dans le local, etc. Après, pour montrer un petit peu le support que ça peut être, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu 500 hooligans qui sont descendus de la bourse après les attentats. Par exemple, ce groupe-là, Et il a servi, il a essayé d'aider. T'as avec quelle revendication ils sont descendus? Quoi? Ouais, avec, les 500 hooligans, je sais plus, c'était Fuck ISIS, je sais plus. Bref, c'est un truc... Mais par exemple, ils ont... C'est important. Hein. Non, mais je disais, avec quelle revendication ils sont descendus, les 500 hooligans? Je pense que c'était un truc de... Quoi? De rendre hommage, mais non, mais aussi de... tous les islamistes dehors, ou je sais pas quoi, non? Solidarité. Je me rappelle pas qu'ils aient dit un discours. Tu sais, ils avaient dit un discours. C'est un peu confus, hein, ce, quand ils sont descendus. Ouais. Mais je me rappelle pas qu'il y a eu le point que je voulais amener ici, qui est intéressant, c'est qu'ils sont venus, et par exemple, ils ont fait une conférence de presse. La conférence de presse, elle était organisée par des gens de l'APF. Par exemple, c'est un truc que j'ai lu par hasard dans le Télémoustique. Ouais, que en fait ils ont fait un premier arrêt où est-ce que t'as les chefs entre guillemets et qu'ils ont été appuyés par les gens de la PF, et on voit que ça c'est le genre de choses, ça leur permet de s'organiser en fait vraiment. Après c'est toujours le truc un petit peu qu'on reproche, c'est oui mais en fait c'est pas très démocratique quand même, eux aussi ils ont le droit de s'exprimer, etc. Ça c'est des trucs qu'on entend. Après moi ces groupes là je les connais. On regarde un petit peu sur leur programme et c'est quoi leur projet ou c'est quoi leur pratique politique, parce que là pour l'instant ils sont faibles, ils se comportent, ils rasent les murs, etc. Mais dès que ces groupes-là ils ont un petit peu plus d'importance, là c'est la fête pour tous ceux qui détestent, tous ceux qui n'ont pas leur place dans leur ordre national. Et moi je ne vais pas attendre qu'on me prouve encore une énième fois, parce que chaque fois que ces groupes sont forts, enfin je veux dire c'est chaque fois la même chose, il y a des gens qui se font tuer, il y a des gens qui se font arrêter, tabasser, des locaux qui brûlent. Enfin, les gens qui veulent vraiment changer les choses, qui sont, enfin voilà, qui sont muselés, etc. Je vais pas attendre une énième fois parce qu'on me dit oui, mais quand même la démocratie, ça les laisser s'exprimer. Bah moi, je veux pas que l'État les réprime. Mais en tout cas, moi, je les laisserai jamais faire. Voilà, je pense que c'est un petit peu l'esprit. Si eux, ils ont le droit de s'exprimer, bah moi, j'ai le droit d'essayer de les empêcher qu'ils s'expriment. Parce que voilà, et il faut jamais attendre, enfin voilà, tous ceux qui disent qu'il faut attendre, etc., que peut-être qu'ils ont changé, etc., c'est pas vrai, c'est n'importe quoi. Enfin, tous ces groupes, il y avait un reportage qu'on va projeter le 10 janvier, peut-être à Bruxelles. Et dans ce reportage, il y a, je sais pas si vous voyez, c'est la Ligue du Nord, vous voyez en Italie, c'est un parti un petit peu d'extrême droite respectable. Et il y a un reportage d'il y a quelques années, fait par Arte, qui est hyper bien fait. Ils sont dans une formation du bloc identitaire, donc la petite formation dont je vous ai parlé. Il y a un responsable de la Ligue du Nord qui est venu, qui vient leur parler. Et à un certain moment, les caméras arrivent à capter une petite conversation en aparté entre l'un des cadres de la Ligue du Nord et les cadres du bloc identitaire. Et dedans, l'Italien dit « Oui, donc l'important, c'est vraiment important de mettre en avant notre identité régionale, parce que la Ligue du Nord et le bloc identitaire, ils mettent à fond en avant les identités régionales. » Voilà, de montrer qu'on est des catholiques, etc. Comme ça, les médias, ils disent qu'on a changé, etc. Puis après, il fait, mais en vrai, en dessous, on est toujours les mêmes. On est toujours des fascistes, tu vois. Mais il le dit, clairement, enfin, tu vois, c'est vraiment... Il ne faut pas se laisser abuser dans le discours. Enfin, ces gens-là, ils n'ont pas parlé. Bloc identitaire, qui est l'une des formations les plus modernes, entre guillemets, dans la manière, par exemple. Eux, ils vont dire qu'ils ne sont pas racistes, ils sont 100% identitaires. Ils vont dire que le problème principal du racisme en France, ce n'est pas l'islamophobie, la négrophobie ou le racisme anti-asiatique. Ils vont dire que le premier racisme en France, c'est le racisme anti-blanc. Par exemple, c'est ça qu'eux, ils vont défendre. Bah, ce groupe-là, il y a quelques années, il y a de nouveau un reportage, parce qu'en gros, tu as un mec dans la formation, il dit, ouais, pour terminer, il dit que le problème principal en France, c'est le métissage, tout simplement. C'est des ils ont ouvert un bar à Lille, les gens qui ne sont pas blancs, ils ne peuvent pas rentrer, en fait. Parce que pour eux, pour être français, il faut être chrétien, européen et blanc. Je voulais revenir sur la question de l'importance ou pas d'un local, quand tu évoquais le fait que de toute façon les gens pourraient quand même se rassembler même s'il n'y a pas de local. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'à partir du moment où il y a un local, c'est quand même une visibilité bien plus grande. Ça veut dire qu'ils se sont déjà organisés en amont. Ça veut dire qu'ils sont déjà plus forts. C'est une visibilité plus grande. C'est déjà, en mon sens, un pas ferme et assez décisif pour ensuite. Enfin, oui, je trouve que c'est assez... c'est pas à prendre... Non, non, mais c'est pas spécialement par rapport à ce que tu as dit seulement, mais c'est aussi pour rejoindre ce qui a été dit. Moi, je peux donner l'exemple de ce que j'ai vécu à Lyon en 2010-2011, où il y a eu une grosse recrudescence, enfin, grosse explosion du groupe des jeunesses identitaires. D'ailleurs, quand tu parlais de cette question de savoir si on attend que la commune intervient ou pas, à Lyon, ça a été une question. La mairie de Lyon, enfin, ça se passe pas comme ça. Il y a la mairie de Lyon, puis après, il y a des maires dans chaque arrondissement. Là, c'était l'arrondissement du 8e. 8e arrondissement. Ils ont clairement décidé de ne pas intervenir pour les mêmes raisons que ceux qui voulaient fermer le local, sur ces mêmes bases. Par contre, ils ont trouvé une faille qui était de les emmerder sur les questions normes incendie. Et ils ont trouvé ça comme faille. Ils leur ont imposé de ne pas être ouverts tant qu'ils n'avaient pas réglé ça. Et avoir particulièrement upgradé les niveaux de normes pour qu'ils ne les atteignent pas. Donc ça a été une solution à moitié qui a un petit peu soulagé les consciences à ce moment-là. Après, le combat n'était pas terminé. Il y a eu une série de manifestations pas toujours pacifistes. Mais en tout cas, c'était assez impressionnant de voir qu'il y avait vraiment énormément de personnes dans les rues. Je me souviens plus du nombre, je ne saurais pas vous le dire, mais c'était assez impressionnant. En fait, il y avait déjà un local qui était là depuis un moment, qui était d'ailleurs, pour la petite histoire, à côté d'un squat, qui était assez marrant. Ils étaient voisins. Mais ils étaient toujours fermés. En fait, visiblement, ce squat était trop reculé de la ville, donc ils avaient envie de s'approcher de plus en plus, d'être dans la ville. Donc ce premier squat dans le 8e arrondissement, qu'ils n'ont pas réussi à ouvrir. Ensuite, ils se sont retrouvés, je parle toujours des jeunesses identitaires, hein, se sont retrouvés à la Croix-Rousse, qui est quand même le QG des anards en tout genre. Se sont retrouvés un peu en plein milieu. Là, par contre, ils n'ont pas attendu la commune, ils ont fait eux-mêmes pression sur les locaux, à péter vite sur vite, vitrine sur vitrine, tout le temps, et finalement pas vu. Ce qui a vraiment beaucoup aidé à Lyon, c'est que les manifestations ont été relayées un peu partout en France, dans d'autres villes, et surtout qu'on a eu plein d'autres personnes d'autres villes, même des fois de Reims, de Marseille, qui sont venues à Lyon. Et ça, c'était très réconfortant, et c'était assez riche aussi dans nos discussions. D'essayer de savoir comment d'autres s'y prenaient pour s'organiser ou pas, les bonnes idées, celles qui finalement avaient fait leur preuve et qu'on se doutait que c'était vraiment pas finalement pas les meilleures idées. Donc ça, c'est vrai que je crois que c'est se rassembler dans des manifestations, ça reste encore un moyen pour pas mal de personnes de pouvoir aussi se visibiliser. C'est pas, ça résoudra pas tout, on est d'accord, mais c'est quand même un moyen parfois, et assez souvent, qui fait encore ses preuves, quoi. Attendez, parce que j'ai vu que tu voulais parler, et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait encore jamais ouvert la bouche, qui avait envie de parler, donc c'est priori. Ouais, merci. Mais en fait, je voulais juste savoir ce qui justifiait leur nom, comment ils arrivent à justifier Alliance pour la paix et la liberté. C'est un peu contradictoire avec tout ce qu'ils font. Attends. Qui, quoi? Attendez, parce que là, je suis perdu, moi. Qui a la réponse à cette question? Moi, je voulais répondre, et en même temps aussi à Gertrude. Tu veux répondre à... Ben non, mais du coup, par rapport au programme, tu demandais, Gertrude... moi, ce que j'ai vu sur le site de l'APF, c'est de toi que je parle. c'est une Europe des nations contre l'immigration, très clairement, avec des positions par rapport au genre vraiment bizarre et ouvertement homophobe. Et après, le truc, il est super long, il est en anglais, et j'invite à regarder plus ou moins, parce que c'est super crapuleux et c'est hyper bien fait, parce que c'est pas dit dans les termes directement. Enfin, il y a toute une récupération d'un discours qui peut être plus ou moins humaniste ou je sais pas quoi, mais bon, après, il y a des trucs très clairs, quoi. Contre l'immigration, puis une Europe des nations, pour un retour aux valeurs traditionnelles, la famille, machin. Mais il y a beaucoup plus. Et là, on avait vu une vidéo, il y a un truc par rapport au... Le féminisme et l'égalité des genres, c'est dangereux, parce que ça peut remettre tout en question. Enfin, ils ont des vidéos comme ça et des trucs super bien faits qui... Après, je dis, allez voir, et en même temps, avec un regard critique, quoi. Enfin, c'est pour comprendre leur truc. Après, c'est un avis, mais vas-y. Pas toujours combien de... Sur 15 000 ou 30 000 vues, si t'as pas 15 000 vues d'anarchistes et de gauchistes. Qu'est-ce que tu dis? Je disais qu'il n'avait pas vraiment eu la réponse à sa question. Non. Bon, quelqu'un. La réponse, c'est ça. Attends un peu, vas-y. Par rapport à ta question, moi, je peux répondre ça. Je sais pas si tu connais le livre de George Orwell, 1984. Il y a cette phrase célèbre que Big Brother dit tout le temps, la liberté, c'est l'esclavage. c'est pas l'humain, il est pas, enfin le langage, il te permet de mentir comme tu veux. Donc les gars, ils ont, ouais, peace of freedom. Ce que je voulais dire par rapport avant que vienne cette question-là, c'était que, enfin, je voulais souligner par exemple que les groupes comme Obdoré, au départ, ils étaient aussi minoritaires, enfin comme l'APF, ils n'étaient pas super grands, mais le fait qu'ils se soient implantés dans un quartier au fur et à mesure, le fait qu'ils aient des subsides, ils ont recruté plus de gens, et enfin on a vu ce que ça a donné en Grèce. Il y a une escalade de la violence fasciste dans les quartiers, il y a des meurtres, des assassinats. Donc ouais, enfin nous quand on dit lutter contre ce local, on dit prévenir de tout ça. Et alors quand vous nous posez les questions, nous qu'est-ce qu'on peut faire, on est à Louvain-la-Neuve, c'est pas près de chez nous. En même temps, Bruxelles, c'est à deux pas d'ici, c'est à 30 minutes en voiture. Et enfin, ouais, enfin, comme disait le camarade, décoloniser ce qu'il y a dans à l'université, enfin, amener un débat sur le fascisme, faire des réunions comme on a fait ici, créer pourquoi pas un mouvement antifasciste à la baraque à Louvain-la-Neuve, venir avec nous en manifestation. Il y a plein de trucs à faire. Enfin, nous on a organisé entre autres le débat ici. On aura le 4 février un concert antifasciste à la Maison des Jeunes. Mais toutes les inventions, tout ce à quoi vous pensez, c'est le bienvenu ici. Et voilà quoi. Enfin, c'est pas parce qu'on est pas à Bruxelles qu'on peut pas être en solidarité avec les autres. Enfin, même la camarade à côté disait ce qui avait aidé entre autres dans les manifestations à Lyon, c'était qu'il y avait il y a des gens d'ailleurs qui sont venus soutenir. Enfin, et à la manif du je sais plus la date du 17, il y a aussi d'autres antifascistes d'ailleurs qui sont venus. Et, donc voilà. Enfin. Oui, c'était pour ajouter aussi que ça peut peut-être répondre en partie à ta question. Au-delà d'un local et d'une possibilité pour eux de s'exprimer, enfin d'exprimer des idées, c'est qu'en plus, ce que je trouve vraiment flippant, c'est qu'ils sont de plus en plus organisés. Dans le cas toujours des jeunesses identitaires à Lyon, ils étaient carrément organisés en milices, où ils organisaient les étés des camps d'entraînement. Enfin, c'est quand même pas anodin. Et ça, je crois que c'est ce qui pèse beaucoup dans la balance. Je ne pense pas que ça soit malheureusement qu'avec des manifestations qu'on arrivera à contraindre ce phénomène-là. Mais ça pose vraiment, enfin, en tout cas de mon bord, moi, ça me pose vraiment la question. Ok, comment je fais quand je me retrouve en face de blocs qui sont beaucoup plus organisés, voire armés, quoi. Attends. T'as pas entendu. Hein. La question, c'est ce qui se passe dans l'opinion de la majorité des gens, une opinion, comment est-ce que la culture ambiante, quoi. Mais sinon, pour répondre à la question de le sigle AFP, je poserais simplement une question. Tout le monde ne sait pas ce que signifie la svastika, donc qui était l'emblème du nazisme, mais c'était un emblème de paix, hein. C'était un emblème indien de paix. Et voilà, tout simplement. Ah bon ? Oui, je l'apprends peut-être. Ah oui. Mais voilà, ben. Voilà. Tu me l'apprends aussi. Ah bon ? Mais, moi, je me demande comment ça se fait qu'on n'est pas plus organisé de l'autre côté, quoi. Comment ça se fait qu'on rame tellement toujours autant à essayer de s'organiser et, de manière cohérente ? Je ne sais pas si quelqu'un a une réponse, mais. Enfin bon, j'ai une réponse, j'ai des pistes d'explication. Si j'avais une réponse, je pense que je la ferais pas et qu'on aurait un truc beaucoup plus organisé. Mais je pense qu'en fait, il n'y a pas un antifascisme, il y a plusieurs antifascismes. Et je pense que en fait, tu peux pas juste en fait sortir l'antifascisme d'un projet et d'un truc politique plus large. Tu vas avoir des gens, des gens plutôt sociodémocrates qui vont dire « Ah ouais, mais justement, si on faisait une pétition et qu'on allait amener au conseil communal pour que quand même il fasse fermer ce local et que c'est quand même pas... » T'en as d'autres qui vont vouloir faire une manifestation mais qui se passera pas du tout devant leur local et qui fera juste le tour de la ville en disant « Ah ben non, mais voilà, le fascisme c'est mal. » Et puis tu vas avoir des gens qui vont essayer de faire un mélange entre des actions plutôt publiques et qui vont peut-être parfois aller plus loin et une espèce de diversité tactique comme ça qui va être utile. Donc le truc, c'est que déjà, t'as pas une unité globale de tous les antifascistes. Donc je pense que déjà c'est une piste d'explication. Après, le truc c'est que justement la plupart des gens qui sont antifascistes, et c'est une bonne chose, hein, je dis pas, hein, mais c'est aussi des gens qui sont investis sur d'autres causes beaucoup plus larges et dans un problème. Et du coup la question c'est quelle est la phase de l'énergie que tu mets contre à lutter contre le fascisme, à lutter contre la répression, à lutter contre tout ce qui est les conséquences négatives d'un système contre lequel tu luttes, et quelle est la phase de l'énergie que tu mets à lutter pour ton projet de société à toi. Et je pense que voilà, il y a toutes ces questions là et puis le fait que on n'est peut-être pas 20 000 non plus au début, et qu'il faut le temps aussi que les gens se motivent, que de voir aussi que les mobilisations ont un impact. Enfin bon, voilà, il y a plein de pistes de réponse, mais voilà. Moi, j'ai une autre piste de réponse à ta question, mais je ne sais pas si tu veux encore une réponse à ta question. J'ai encore une autre piste, c'est que l'ordre et la discipline, c'est beaucoup plus facile à organiser que la créativité et l'imagination. Et que, en fait, c'est ça le... Enfin, s'il y a un gros chien qui aboie et qu'il suffit juste de faire ce qu'il dit, c'est beaucoup plus facile à organiser que de se casser les méninges à savoir ce qu'on veut d'autre, quoi. Je voulais juste dire un truc un peu pragmatique de... Je vois des gens qui bougent et qui vont bientôt... Enfin, je sais pas. Et la tension, peut-être qui... Je me dis, est-ce qu'on va vers une conclusion ou... Pour vraiment exemplifier pourquoi c'est un danger, parce que moi, à Lyon, j'ai plusieurs copains et je connais assez bien la situation. Mais par exemple, la fin, en fait, à Lyon, c'est qu'ils n'ont pas réussi à faire fermer le local. Et que maintenant, il n'y a pas un local, mais il y a 5 ou 6 de différentes organisations. Et Lyon, c'est réputé par tous les milieux militants en France comme l'une des villes les plus dangereuses où c'est de militer, en fait. Et qu'il y a certains quartiers où est-ce que les militants progressistes, ils ne mettent même plus les pieds parce qu'ils savent qu'ils vont se faire embrouiller, etc. Enfin, il y a plein d'histoires d'agression. Bon, là, c'est un petit peu retombé parce qu'ils font le profil bas depuis quelques années. Mais après, si vous regardez, il y a vraiment des trucs atroces qui se sont passés. Il y a des trucs qui sont passés. Je sais qu'il y a eu des agressions après la sortie d'un squat. Et il y a eu aussi un couple qui se baladait. Il me semble que c'était un Asiatique et une Française ou un truc comme ça. Et en gros, ils les ont attaqués parce que c'est un couple mixte. C'est genre, t'as des militants qui sont allés d'extrême droite qui les ont tabassés parce qu'ils passaient en voiture, je pense. Un couple mixte dans le sens où... dans leur vision de la même race, entre guillemets. Et en gros, ils ont juste tabassés parce qu'ils trahissaient leur race. Voilà. C'est marrant, comment tu dis, ils les ont juste tabassés. Ouais. Juste tabassés. Ouais. Ils les ont tabassés, quoi. Ouais, ils les ont tabassés. Voilà, mais c'est... Pas donc moyen d'avec ces personnes fascistes d'entrer en dialogue. Ils sont tout de suite dans leurs idées. Quand on va pas dans le sens de leurs idées, ils deviennent agressifs. Je pense que la question, c'est qu'il faut voir. T'as plusieurs niveaux, en fait. Tu vois, il y a des gens qui sont là-bas, qui savent pas trop pourquoi ils sont. Et moi, je pense que ces gens-là, il faut aller discuter parce qu'il n'y a pas pu pas. Enfin, pour moi, c'est la seule façon. Je pense que vous allez d'accord tout à fait avec moi. C'est en allant parler de manière pacifiste avec ces gens qu'on va peut-être pouvoir leur ouvrir l'esprit sur des choses plus altruistes que le fascisme. C'est que tu vois, il y a des militants qui sont là-bas, ils ne savent pas trop pourquoi ils sont. Il y a des sympathisants, entre guillemets. Mais après, les militants de cœur, enfin, genre du corps, etc., les chefs, et même les militants, il ne faut pas croire hein, qu'ils savent très bien pourquoi ils sont là. Je veux dire, ça, où est-ce que j'étais au début, tu n'étais peut-être pas là au début de la réunion, mais c'est une idéologie, et je peux t'assurer que les mecs, ça fait 50 ans, et ils y croient. Enfin, tu vois, c'est, pour eux, c'est une solution. Moi, c'est une société égalitaire et plein de liberté que je veux, mais eux, c'est une société d'ordre et de pouvoir, mais ils trouvent ça positif. Enfin, c'est pas possible de leur ouvrir les yeux, en fait. Il faut pas croire qu'on peut le... Voilà. Certains, oui, faut essayer, mais je pense que, voilà, le... Qu'est-ce qui se passe, chef ? Je voulais proposer peut-être que la discussion continue de manière informelle. Sauf s'il y a quelqu'un qui a un truc super intéressant à dire. Oui. avant de partir, il y a moyen de mettre vos coordonnées là pour si vous voulez qu'on se tienne au courant au cas où il y a une manif ou des trucs comme ça. Il y a une action à proposer pour établir le dialogue. J'ai une action à proposer. C'est, vous connaissez les jeux où on se tire des balles de couleur là, hein? Eh bien, moi j'ai envie de tirer une balle de couleur rose sur le Léopold II à cheval, qui est un peu le symbole, un des symboles du fascisme, qui est tout près du square de Méhus. Donc en fait, Couper, ou lui couper la main, mais je veux dire, c'est plus compliqué. Alors que jeter une balle de couleur rose, ça pourrait être faisable. Il y a deux rendez-vous avant que ça se disperse. Il y a un concert de hip-hop à la Maison des Jeunes, un concert de hip-hop contre le fascisme, à la Maison des Jeunes de chez elle, le 4 février. De quoi voilà. de Le 4 février. Mais où? À la Maison des Jeunes de le 29. Vous pouvez laisser vos coordonnées. Il y a des petits flyers là. Allez, une petite dernière et puis après vous parlez. C'est informel quoi. Par rapport au dialogue dont le camarade parlait, c'est. Enfin, j'étais dans le train avec un militant antifasciste dernièrement et qui m'expliquait qu'à l'époque, c'est un vieux de la vieille, qu'à l'époque ils allaient dans les bars en Angleterre et ils allaient parler avec les populations qui étaient censées voter fasciste à l'époque, et ils restaient plusieurs heures à déconstruire le fascisme. C'est ça que je pense, c'est très important de le savoir, de savoir vraiment point par point c'est quoi le fascisme, pour pouvoir aussi, par rapport aux militants qui ne savent pas pourquoi ils sont de ce côté-là, enfin, qu'ils sont fascistes, ben vraiment le décomposer. Oui, c'est une des armes à avoir, c'est aussi le dialogue, bien sûr. Ça ne peut pas marcher avec tout le monde, mais c'est aussi une des armes. Enfin, une des conclusions qu'on voulait donner, c'était que, comme Marx a dit, le capitalisme, il faut le détruire par tous les moyens nécessaires, ben c'est la même chose avec le fascisme. Il faut le détruire par tous les moyens nécessaires. Donc voilà.